Today is 28th February, year 2015. 1 week already, we are practicing watching, searching internal reality. So what the Buddha saying? To know as real as they are, there are five kinds of factors. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2015. Cela fait une semaine que nous pratiquons. Nous nous efforçons d'observer, d'investiguer la réalité telle qu'elle se manifeste à l'intérieur de nous. Le Bouddha nous dit que si nous voulons réussir à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement, il faudra que nous introduisions en nous cinq facteurs. Dans le Majjhima Nikaya, la collection des moyens discours, il y a un sutta qui concerne un prince qui était venu écouter les enseignements du Bouddha. Ce prince avait donc demandé au Bouddha. Le Bouddha avait donc parlé de la façon dont il faudra pratiquer pour réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement, pour comprendre la réalité de la vie, pour atteindre l'illumination. Le prince était ravi. Il posa alors une question au Bouddha. Ce Dhamma que vous venez de nous enseigner est très intéressant. Je veux vraiment le pratiquer, mais en tant que prince, je suis un homme très occupé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais vous demander combien de temps il me faudra pour obtenir les bénéfices de la pratique. Cette question, tous les yogis qui sont ici se la posent sans doute également. Combien de temps faudra-t-il pratiquer pour atteindre la libération, pour atteindre l'illumination? Le but final de notre effort, c'est effectivement la libération, la disparition totale de toute forme d'impureté mentale, la libération de la souffrance, l'expérimentation de Nibbana. Le Bouddha répondit donc à la question du prince dans ce sutta et il parla de cinq facteurs qu'il faudra réussir à développer en soi. Le sutta est très long, nous allons donc aller à l'essence de ce sutta. Il est très important pour les yogis de comprendre en quoi consistent ces cinq facteurs. Il faut savoir qu'à l'époque du Bouddha, les princes et tous ceux qui occupaient des postes importants devaient obligatoirement apprendre 18 matières, maîtriser 18 matières. Parmi ces 18, il y avait le fait d'être capable d'utiliser un éléphant dans une bataille. Lorsque ce prince allait donc devenir roi, il devrait forcément avoir disposé de cet art, avoir intégré cet art. Le Bouddha demanda donc à ce prince, « Avez-vous maîtrisé cet art ?» Et la réponse du prince fut, « Oui, vénérable, j'ai assimilé l'art d'utiliser un éléphant pendant une bataille. » Et j'ai moi-même entraîné beaucoup d'élèves à cet art. Le Bouddha posa une deuxième question au prince. Si vous deviez enseigner cet art à un élève qui n'a pas confiance en vous, qui n'a donc pas la saddha, la confiance, un élève qui n'est pas en bonne santé, un élève qui ne se montre pas très honnête, un élève qui est paresseux, un élève qui est confus, qui ne comprend pas très vite, combien de temps vous faudra-t-il pour qu'il assimile cet art? La réponse du prince fut « Quelqu'un qui ne dispose pas de ces cinq facteurs, qui donc n'a pas confiance en moi, qui n'est pas en bonne santé, qui n'est pas honnête, qui est paresseux, qui est confus, Un tel élève mettra beaucoup de temps pour assimiler les instructions et pour intégrer cet art. Parfois, ce sera même impossible. Le Bouddha pose encore une question au prince. Si vous devez enseigner un élève qui détient ces cinq facteurs, il a confiance en vous, il est en bonne santé, il suit honnêtement vos instructions, il se montre courageux dans la pratique, il est intelligent. Combien de temps faudra-t-il à un tel élève pour maîtriser cet art? Et la réponse du prince fut: un élève qui a confiance en moi, qui est en bonne santé, qui suit mes instructions honnêtement, qui se montre courageux pendant la pratique, qui comprend vite, qui est intelligent. Un tel élève ne mettra pas beaucoup de temps pour développer la compréhension. Et le Bouddha ajouta: Oui, prince, ce que tu dis est valable pour mon enseignement également. Une personne qui veut réellement atteindre la libération, combien de temps penses-tu que ça lui prendra? Cela dépend de ces cinq facteurs. Si cette personne a confiance dans le Dhamma, si elle est en bonne santé, qu'elle est sincère, obéissante, qu'elle ne se plaint pas trop, qu'elle travaille avec effort et qu'elle est intelligente, une telle personne comprendra très vite. Elle a l'esprit très alerte et très vif. Elle détient ces cinq facteurs à un très haut niveau. Une telle personne va recevoir les instructions le matin. Elle va pratiquer toute la journée et elle atteindra la libération et l'illumination avant le coucher du soleil. Une telle personne peut recevoir les instructions après le coucher du soleil. Elle va pratiquer toute la nuit. Et elle atteindra l'illumination et la libération avant le lever du soleil. Ceci apparaît clairement dans le sutta. Ce sont les paroles mêmes du Bouddha. Si donc on détient ces cinq facteurs et qu'ils sont parfaitement développés en nous, nous pouvons réaliser l'illumination en très peu de temps. Le prince écoutait attentivement. Le Bouddha ajouta que pour certains, ce ne sera pas aussi rapide. Un jour ne suffira pas. Il faudra qu'il travaille pendant 7 jours, pendant 7 mois, pendant 7 ans. Donc, pour savoir en combien de temps on peut atteindre l'illumination, il suffit de voir dans quelle mesure ces cinq facteurs sont installés en nous. Le Bouddha ne garantit pas non plus que tout le monde atteindra l'illumination en un jour. Mais il garantit par contre que quelqu'un qui détient ces cinq facteurs peut atteindre Nibbana. C'est une garantie. Du temps du Bouddha, les gens étaient beaucoup plus calmes. Leur esprit était concentré. Ils étaient attentifs. Ils étaient capables d'un puissant effort. Et c'est pour cette raison qu'ils atteignaient l'illumination en très peu de temps. Tout ceci est très encourageant pour les yogis. L'illumination devrait être notre but. Et nous sommes en mesure d'atteindre l'illumination, en tout cas le premier stade d'illumination, le premier stade d'éveil. Lorsque nous aurons atteint le premier stade d'éveil, notre esprit deviendra très clair. Il sera débarrassé des vues fausses et du doute. Nous devons donc nous efforcer d'atteindre Magga et Phalajnana, la compréhension, la connaissance du chemin et du fruit. Cette connaissance va nous permettre d'éradiquer toutes les impuretés mentales. Donc, l'atteinte de l'illumination est notre but, devrait être notre but. Il faudrait que nous nous efforcions, que nous ayons comme but d'atteindre au moins le premier stade d'illumination, le stade de Sotapanna. Une fois que nous aurons atteint ce premier stade d'illumination, le doute va disparaître de notre esprit, de même que les vues fausses, car nous verrons la réalité très clairement. Les gens parlent beaucoup de Nibbana, mais qu'est-ce que Nibbana? Tant que nous ne l'aurons pas réellement expérimenté, nous aurons des doutes. Par la pratique de Vipassana, nous pouvons atteindre au moins le premier stade d'illumination. Nous aurons alors une expérience authentique de Nibbana et nous comprendrons vraiment. Lorsque nous aurons atteint l'illumination, il n'y aura plus aucun kamma en nous, il n'y aura plus aucun doute en nous. L'atteinte de la conscience du chemin et du fruit élimine les formes grossières de kamma qui pourraient nous entraîner dans une renaissance dans les mondes inférieurs. C'est donc un très grand bénéfice d'atteindre ce premier stade d'illumination. Nous sommes tous prisonniers du samsara et condamnés à reprendre naissance à l'infini, vieillir, tomber malade et mourir. C'est le samsara. Nous sommes prisonniers de ces apparitions et disparitions incessantes. Et il n'est pas possible de connaître le début de cette errance dans le samsara. Le kamma négatif, ce sont les actions négatives. Et ce kamma négatif est comparé à une pierre qu'on jetterait dans l'eau et qui coule à cause de son poids. Le kamma positif, celui que nous développons en ce moment, c'est comme un bateau, une embarcation, qui flotte à la surface de l'eau. Cette embarcation ne coule pas. Il faut donc comprendre que le kamma positif amène des résultats positifs, le kamma négatif amène des résultats négatifs. Le kamma va se manifester, va avoir ses résultats, parfois, tout de suite, mais parfois cela prendra un peu de temps. Il faudra attendre que les conditions soient là pour qu'il porte ses fruits. Si nous disposons d'une bonne embarcation, nous pourrons transporter cette pierre du mauvais kamma, et notre embarcation étant assez forte, nous ne coulerons pas. Mais lorsque nous atteindrons la rive, il n'y aura plus d'eau, et donc il ne sera plus possible de couler. La rive, c'est précisément cette réalisation du chemin et du fruit. Nous nous débattons donc au milieu de l'océan, et tout ceci est une grande souffrance. Si nous voulons nous libérer de cette souffrance et ne plus devoir lutter, il faudra que nous nous construisions une bonne embarcation. Ceci veut dire qu'il faudra produire du kamma positif, et nous devrons le faire jusqu'à ce que nous ayons atteint l'autre rive, autrement dit, jusqu'à ce que nous ayons atteint la réalisation de magga et de phala, le chemin et le fruit, c'est l'illumination. Lorsque nous aurons atteint l'illumination, toutes ces choses vont disparaître. S'il n'y a plus de kamma, plus d'action, il n'y aura plus non plus d'impureté mentale. Mais tant qu'il y aura action, il y aura du kamma. Notre but, c'est donc d'atteindre l'illumination et de ne plus produire de kamma. Pour y arriver, il faudra que ces cinq facteurs soient solidement établis en nous. Quel point devrons-nous développer ces cinq facteurs pour atteindre l'illumination? Quel niveau de confiance devrons-nous développer? Quel niveau de santé? Quel niveau d'honnêteté? Quel niveau d'effort? Quel niveau d'intelligence et de sagesse? Le Bouddha nous donne la réponse dans son sutta. Mais il est déjà tard maintenant, nous laisserons cela pour demain. Puissiez-vous tous vous efforcer de votre mieux de développer ces cinq facteurs, de vous débarrasser des impuretés mentales et d'atteindre la libération. Wish you all, may you all be able to try to complete to this factor and easy as soon as possible to clear off the defilement and get the liberation. Sound. Sound.